Bonsoir, bonsoir Charline. Bonsoir si Claire Chaudière. Si tu écoutes, j'annule tout. Oui, alors Claire Chaudière, oui. Il y a Alex Vizorek qui a un petit mot à vous dire. C'est une question Claire Chaudière. Est-ce que vous avez été engagée par le directeur de l'info Jean-Marc Four? Voilà, je trouvais que c'était un bon jeu de mots. Voilà. Et celle-là, voilà. On me l'avait jamais faite, effectivement. Non, mais pas mal. Eh bien, Alex, vous êtes le premier. Désolé. Voilà. Je vous demande pardon. Merci Claire. Allez, bonne soirée. Hein. Merci. Allez, ciao. Bah, écoutez, ça me semble bien parti. Est-ce que Alex vient de se prendre un four ou c'est moi du coup? Oh là, bim bim. Il n'y a plus de sa balle. Voilà. Donc vous l'aurez compris, comme nous allons parler littérature aujourd'hui. Oh, c'est cool. Eh bien, nous avons préparé cette émission de façon pointu, oui. Évidemment. Alors, je sais pas. Écoutez la conférence de rédaction, vous ferez un avis. Salut les amis. Salut Charline. Bon, alors on est chaud. Bouillant. Il est où Guillaume? Ah bah, il est peut-être bouillant, mais il est pas là. Non, mais il est en reportage sans doute. Oui, bien sûr, en reportage au salon de la brosse à cabinet pour enquiquiner tout le monde. Mais non, il va reprocher aux gens d'utiliser des brosses à cabinet parce qu'ils aiment l'hygiène, bien sûr. Mais c'est dégoûtant. Bah, bien sûr que c'est dégoûtant, de mauvaise foi. Monsieur Guillaume va leur dire que si la faune à Madagascar se diversifie plus, c'est à cause de l'utilisation de la brosse à cabinet. Mais laissez-nous vivre, monsieur Meurice. Calme-toi. Oh, pardon, monsieur. Bon, allez, hop, les sujets. On va parler des régionales. Ah bah, les régionales. Peut-être que Guillaume s'est juste retiré. Pardon ? Ah oui, à l'antenne. Toi, Charline, moi et Guillaume, on est une espèce de tripartite. Ah, c'est vrai. Et voilà. Et donc, Guillaume a trouvé que c'était déjà très compliqué comme ça. Et monsieur s'est retiré. Voilà. Ouais, donc, Guillaume, ce serait le PS. Voilà, ce serait le PS. Et les deux qui restent ? Bah, les deux qui restent, disons que, comme pour l'instant, toi, tu es plutôt celle qui domine et qui vraiment le fait de manière autoritaire. Ah oui, je suis d'accord avec quoi ? Avec le fait que s'il y avait un Front National dans la comparaison, ce serait plutôt toi. Moi, je suis pas le FN, moi. Oui, enfin, c'est une métaphore. Moi, je suis les Républicains, c'est pas tellement mieux. Ah ouais, mais toi, c'est cohérent, t'as la même mèche que Jean Sarkozy. Pas du tout, je suis beaucoup plus court. Ouais, t'as même la même mèche que Valérie Pécresse. Ah, mais oui, clairement, mais non, pas du... Bon, ok. Mais non, c'est il con, a la cette métaphore. Valérie, non, écoute, mais pas du... Foutez-moi la paix, je vais aux toilettes et ça va bien me détendre, démerdez-vous avec les sujets. Ouais, n'utilise pas la brosse à cabinet, hein. Ce serait con qu'il n'y ait plus de whistiti à Madagascar. Quand elle s'énerve, il y a quelque chose de Marion Maréchal, non? Chut, lui dis pas. La France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui tente de trouver un accord sur l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va mettre autour de la table jusqu'à 18h. Hashtag tout changer, c'est la une de l'Obs cette semaine. Mais alors on commence par quoi ? Parce que le système politique a déjà entamé le travail, il n'est plus bipolaire, il est quoi ? Dangereusement vaudevillesque. Est-ce qu'on pourrait couper le gâteau et s'en aller ? J'ai une partie à trois qui m'attend ce soir. Le film La vie d'Adèle fait encore polémique. La France avance, hein, mes amis. Le visa d'exploitation du film a été annulé en raison de scènes de sexe réalistes. Cinéma, montre-nous ton visa. Poète, bon papier. Le prix de la page 111 récompense le livre dont la page 111 est la plus méritante. C'est l'Anti-Goncourt. Et nous avons choisi de créer le prix Fleur Pellerin. Et le grand gagnant est... Zadig et Voltaire. C'est une leçon de vie et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Nous aussi, on se replonge assez souvent dans cette bonne vanne. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui, sous ses airs de poète échevelé, déclame des brèves insolites. C'est Alex Vizorek. Ah oui, bah oui, mais j'essaye de le faire de manière poétique. Bonjour Charline Vanhoenacker et bonjour à toute l'équipe que je vous présente. À 17h20, celle qui, si elle avait été vendeuse à la FNAC, se serait fait convoquer par la direction pour ne pas vendre un seul des articles en tête de gondole. Non, son truc, c'est le disque qui colle au fond du reggae, du rayon, pardon, disque de reggae islandais. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Bah, la FNAC hein, qui se met à l'électroménager, ils vendent plus de disques, hein, c'est bien connu. Une machine à café, un disque de reggae islandais. Le mot du jour, c'est île déserte. Vous choisirez les livres avec notre invité et moi je m'occupe de la bande-son. Qu'est-ce qu'on emmènerait sur une île déserte en musique? On écoutera tout à l'heure à 17h30. Il y avait deux gros mensonges dans la conférence de rédaction de début d'émission. Il n'a pas vraiment été au salon de la brosse à cabinet et surtout j'aime énormément son travail. C'est Guillaume Meurice. Merci Alex, bonjour. Et bonjour Charline. Moi je vais vous parler stratégie militaire aujourd'hui, puisque je suis allé à un colloque sur ce thème ce matin et j'ai rencontré des gens passionnants. Je fais partie de l'Institut de polémologie de Strasbourg. Voilà, et on va apprendre des mots, c'est important aussi. Et à 17h40, Les fêtes de Noël approchent et sur ma liste au Père Noël, je n'ai mis qu'un seul cadeau. J'ai demandé une Clara Dupont-Mono, mais je sais que ça n'arrivera pas, car s'il l'avait sous la main, le Père Noël la garderait pour lui. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler ? On va parler du livre de notre invité. Ah. Oui, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes né sous Vincent Auriol. Vous quittez Libé et entrez au Nouvel Obs en 2002, l'année du 21 avril, enfin du moins du 1er 21 avril. Vous publiez un roman intitulé Kung Fu en 2007. C'est l'année où François Bayrou crée le Modem pour en faire le troisième parti de France. Vous publiez Le détail qui tue, petit précis de style de Marcel Proust à Kate Moss en 2013. C'est l'année où le style, c'est de porter un bonnet rouge pour renverser des portiques Écotax. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Mon nom est François Armanet. Ah, c'est... Oui, c'est précieux. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. François Armanet, écrivain et journaliste, rédacteur en chef au Nouvel Obs. D'abord journaliste, oui. D'abord journaliste. Alors, vous publiez Bibliothèque idéale du naufragé, c'est paru chez Flammarion, illustré par Stéphane Trappier. C'est un livre qui parle d'écrivains, qui parle de livres, si je résume. Oui, vous connaissez la question classique. Quels sont les trois livres que vous emporteriez sur une île déserte ? Cette question, je l'ai posée à 200 grands écrivains de la planète. Les réponses parfois lapidaires, parfois beaucoup plus longues. Et ça donne en même temps un autoportrait des écrivains à qui on la pose, c'est-à-dire dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Ça donne aussi donc une espèce de bibliothèque idéale de l'honnête homme. Enfin, en tout cas, un panorama de ce qui reste ou de ce qui vit de la littérature mondiale. Enfin voilà, donc il y a un paquet d'entrées. Et puis, c'est jardin secret, c'est-à-dire le conseil. Quel est votre écrivain préféré ? Vous y reportez, il vous conseille trois livres. À mon avis, il y en a forcément un des trois que vous n'avez pas lu. Vous vous précipitez pour l'acheter. C'est ce qu'il y a beaucoup plus haut au libraire, c'est vous achetez ce livre, il revient, vous en achetez trois autres. J'imagine, alors c'est un travail de longue haleine, parce qu'il y a déjà 10 ans de travail, avec un complice Gilles Anctil. 12 ans, ça a démarré il y a 12 ans. Question que vous posiez à la fin de vos interviews, notamment dans le Nouvel Obs. Ça a démarré la première fois avec l'écrivain américain Jay McInerney. Pour la faire courte, à la fin de l'entretien, je lui pose la question, et dans ces trois livres, il me répond « La cousine bête » de Balzac, en me disant « Moi, j'adorerais passer New York, radioscoper New York comme l'a fait Balzac, comme pour Paris, oui. Le sexe, l'argent, les classes, passer à cette moulinette aiguë. Voilà pourquoi la cousine bête. » Bon, j'ai trouvé que la réponse était suffisamment intrigante pour poser cette question pendant 12 ans à une centaine d'écrivains interviewés au fil des ans, dont un certain nombre, du reste, ont passé la main aujourd'hui, parce que John Updike, Vaclav Havel, Ballard ou Gunter Grass sont plus là, mais ils sont toujours dans le livre. Est-ce Et puis à un moment, j'ai réactualisé ça avec... Ah oui, il en fallait plus. Ouais. Voilà. Est-ce que ça se réfléchit de répondre à cette question, ou ça doit être spontané comme tu... Bah, là, en fait, vous avez aussi à peu près... Vous prenez 200 intelligences, qui sont ces 200 écrivains. Et en fait, ils vous prennent... Il n'y a pas Clara question, dedans, hein, d'ailleurs. Il faut le signaler quand même. Ouais. Bah, aucun d'entre nous, par principe. Vous prenez cette question-là, mais ça aurait été une autre, c'est la même chose. En fait, il a décortique par tous les bouts. C'est-à-dire, oui, d'abord, bien sûr, avec une règle, ce que je vous réponds aujourd'hui, je pourrais vous répondre autre chose demain. Ça, c'est la base. Mais est-ce un exil ? Est-ce une sinécure ? Est-ce, enfin, voilà. Et selon, évidemment, la réponse, est-ce que c'est pour 3 mois ? Est-ce que c'est pour, comme Robinson Crusoe pour 28 ans ? Alors, ça dépend. Ça n'est pas qu'une liste, évidemment. Souvent, c'est une question qui inspire et donc les écrivains peuvent s'emballer. J'ai ici l'exemple d'Alain Mabankou. Vous lui posez la question et voilà comment commence le chapitre Alain Mabankou. Voilà comment il répond. Les trois livres que j'emporterai sur une île déserte devraient contenir le monde que je quitte, combler le vide, redessiner la vie. Ces livres devraient me faire oublier le commerce du monde, tout au moins en créer un autre où le solitaire serait comme le metteur en scène de ce nouvel univers. Donc on va au-delà du conseil. Oui, après il en conseille trois. J'ai pas ces trois titres en tête, bien évidemment, parce que 200 écrivains par trois titres, ça fait à peu près 600. Il y a notamment des souris et des hommes, par exemple, ça se recoupe. De Steinbeck. Il y en a ouais. qui se recoupent. Alors, il y a des réponses beaucoup plus lapidaires. Voilà, Joyce Carol Oates, je prendrais... un seul me suffirait, La Recherche. Ou Houellebecq. Voilà. Ah, Houellebecq, c'est le seul et il en fallait un. Je ne réponds jamais aux enquêtes. Et en fait, il a répété, sans le savoir, ce qu'avait répondu André Gide, cette même phrase, aux surréalistes quand, dans les années 20, ils avaient fait leur enquête de « Pourquoi écrivez-vous ?» Je ne réponds jamais aux enquêtes. Bon, donc, il en fallait un. Il en fallait aussi un qui dise « Mes trois livres ». Il y en a un qui l'a fait. Mais non. C'est Solers. Parce qu'il les a peut-être jamais lus. Mais vos trois livres à vous, François Armanet, ce seraient lesquels ? Oui, mais là, c'est presque indécent. moi, je dirais Dumas, parce que j'adore... Proust, et de toute façon c'est déjà les deux styles de livres. Il y en a un qui invente des histoires, il y en a un qui raconte la vie. Proust raconte un microcosme et il en fait quelque chose d'universel. Dumas, c'est sa vie qui est un roman, mais c'est un inventeur d'histoire. Donc Dumas, Proust, plus une anthologie peut-être de la poésie pour apprendre un poème tous les jours. Parce que là, il y a du travail. Voilà. Ou emporter un manuel de survie tout simplement sur une île déserte déjà pour faire partie des trois. On parle de littérature et en musique, on dit j'aime tes fesses. Oui, c'est Catherine et Jeanne Balibar. Parole d'Alex Vizorek. Vous êtes sur France Inter en compagnie de François Armanet et sa bibliothèque idéale du naufragé parue chez Flammarion. Et puis on va aborder l'actualité avec lui et repartir du livre avec Clara Dupont-Mono. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Parce que j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime aussi ta langue, ton cerveau, tes sinus, ta glande thyroïdale et ton œsophage. J'aime aussi ton foie, ton estomac, tes intestins, ta vessie et ton utérus. Oh, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. Ça s'appelle J'aime tes fesses. Ah bah oui, parce que vous ne l'auriez pas. Moi, je vous conseille J'aime ton cul, de la version de Renaud Papillon Paravel, qui est très très bien aussi. Mais écoutez, c'est très bon conseil. C'est un thème important. À emporter sur une île déserte aussi. Merci Mélanie Bauer. Nous sommes en compagnie de François Armanet, qui nous parle de sa bibliothèque idéale du naufragé, paru chez Flammarion. Et puis autour de cette table... Eh bien, nous avons Mélanie Bauer, qui partira avec des disques sur une île déserte. Clara Dupont-Menot, qui nous parlera du livre de notre invité. Et Guillaume Meurice, qui a été voir la stratégie militaire. Attention, Guillaume et les militaires, oui. C'est une romance. Ah oui, oui. Et ça, c'est dans une vingtaine de minutes. Et oui, le monde continue de tourner, donc j'aime tes brèves. Oui. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, Marine Le Pen n'aime pas qu'on la qualifie d'extrême droite. Pourtant, bah, on appelle un chat un chat. Et je rappelle que l'an dernier, le chien de Jean-Marie Le Pen avait mangé le chat de Marine et que depuis, elle ne veut plus qu'on appelle un chat un chat. Science, les hommes pourraient bientôt tomber enceintes. Reste encore un mystère, mais par où va sortir le bébé? Oui, enfin, moi je me demande surtout qu'est-ce qu'il va téter, mais enfin bon. Oui, c'est élégant. Et il y aura des brèves qui n'auront rien à envier à Christophe Lemaître, puisque ça va vite et c'est pas très malin. Ça commence très bien. Ami de la pédophilie, bonjour. On commence par Jacques Chirac, oui. Qui a été hospitalisé hier après-midi afin de faire un contrôle général de son état de santé. Selon sa fille, Claude, son état ne présente aucune inquiétude. Voilà, il devrait rester quelques jours à l'hôpital, mais il va bien, c'est bien simple, il va tellement bien qu'il ne se souvient même plus pourquoi il est venu. Politique, Marine Le Pen était hier en débat avec Xavier Bertrand, son adversaire dans le Nord. Oui, et Xavier Bertrand a pris un malin plaisir à l'appeler la candidate de l'extrême droite, et ça l'a moyennement amusé. Vous touchez 10 balles à chaque fois que vous dites extrême droite ou... Vous avez gagné 100 euros là, depuis le début de l'émission. Voilà, il a 10 balles, il a gagné 100 euros. Mais il ne sera jamais aussi riche que si Marine Le Pen recevait 10 balles à chaque fois qu'elle place le mot immigration. Passons à l'international avec cette info. Pour lutter contre l'État islamique, enfin le groupe État islamique, le Luxembourg double sa présence militaire et envoie un deuxième soldat. C'est véridique, c'est véridique. Et on ignore encore comment ils vont faire pour se partager la mitraillette. Terrorisme toujours. Après Paris et Bruxelles, Genève a relevé aujourd'hui son niveau d'alerte. Oui, les Suisses sont vraiment lents. Corée du Nord, Kim Jong-un annonce qu'il dispose de la bombe A et de la bombe H. Oui, même si celle qu'il préfère, c'est la bombe de lac. Science à présent, d'après une chercheuse américaine, les hommes pourront bientôt tomber enceintes. Mais bien sûr, et après quoi, on va inventer un aspirateur pour hommes aussi? Pour le docteur Karine Chung, directrice du programme de la préservation de la fertilité à l'université de Caroline du Sud, oui. La grossesse masculine pourra bientôt être possible d'ici 5 ou 10 ans. En tout cas, c'est une vraie solution pour Rachida Dati. Si elle a un deuxième enfant, elle pourra vraiment savoir qui est le père. Showbiz toujours. Hier, une anecdote de la vie de Johnny Hallyday a refait surface. Oui, apparemment, Johnny était en tournée avec sa femme Sylvie Vartan. Ils étaient dans un hôtel. Elle monte se coucher. Johnny boit 2-3 coups avec deux filles et les ramène toutes les deux dans sa chambre, oubliant qu'il était marié. Il n'a pas vu Sylvie dans le lit. Ah, la boulette. Ah bah oui, mais ça va beaucoup mieux depuis. Évidemment. Une page internet, Alex. Oui, les stars YouTube 2015 sont connues. Les plus regardées cette année sont Norman, Cyprien et le pingouin Choupi qui a détrôné Petit Ours Brun. Oui, il faut rappeler que Bob l'éponge avait accepté de se retirer. Hein. Effectivement. Voilà. Télévision. Jean-Pierre Pernaut reste le présentateur de JT préféré des Français. Ah, mais les Français, ce sont bien ces gens qui ont voté pour le Front National. Ah oui, c'est eux. Oui, oui. Ah oui, alors ça se tient. Et on termine par une brève. Oui, une brève. Arras, un chocolatier se fait dérober un Airbus en chocolat de 6 mètres de long. Ça se confirme, Al-Qaïda se reconvertit dans la confiserie. Retour en activité normale sur France Inter, 17h25. Nous sommes en compagnie de François Armanet, rédacteur en chef à l'Obs. Et justement, tiens, avec le premier sujet, on va évoquer la une de l'Obs cette semaine. Hashtag tout changer. Oui. L'heure est venue de tout changer, changer le système politique, mais alors peut-être changer le système médiatique aussi. Bref, carrément peut-être changer la République. Papa, il faut que je t'explique. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Et les bagnoles, foutu. Il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu nous aides. Bon. Alors, pour l'instant, raccompagne-moi, sois gentil. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tiers d'essence, un tiers d'éther, un tiers d'oxygène. Un tiers d'... Et qu'est-ce que tu fais avec ça? On allume et ça explose. Ça s'allume où? Là. Alors, tu disais que les bagnoles, c'était foutu. Oui. Je vais te montrer que j'ai peut-être tout compris, mais regarde. Bien, Daniel, j'ai tout compris. Seulement, fallait que tu m'expliques. Tiens, Voilà pour ton métro. Fasciste. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, vous avez une solide carrière de journaliste et de rédacteur en chef à Libé, à l'Obs. C'est la 100e fois déjà qu'on pense qu'il faut tout changer, François Armanet. Cette fois, est-ce qu'on est vraiment allé plus loin que d'habitude ? Là, le danger se précise. Bon, alors, vous détestez, j'ai bien cru comprendre, parler du Front National à l'antenne. Bon, parlons-en. Oui, mais parlons-en quand même. Sérieusement, sous les habits normaux, bah, le visage de la peur, de l'exclusion, du reste, le visage avenant de Marine Le Pen, pas de lèvres, méchante. Mmh. Double menton, autosatisfaction. De l'autre côté, Marion, je sais pas, petite pimbèche bourgeoise, un peu coincée du cul. Voilà, on peut dire tout ça dans notre émission. Vous avez des infos parce que justement, voilà. Se demander. Ça, c'est le visage donc de la peur et de l'exclusion qu'on voudrait présenter au monde entier. Enfin, imaginez en tout cas la couverture. L'image de la France à l'étranger. Donc c'est des arguments essentiellement physiques, selon vous, qui peuvent discréditer le Front National. C'est de la morphologie. Oui, c'est de la psychomorphologie. Elle est abrupte. Non, en tout cas, là, en tout cas, danger qu'elle soit vraiment là, qu'elle incarne la France. Bon, voilà, donc il faut se réveiller, il faut reconstruire. Il faut, je pense, de toute façon déjà aller voter contre de toute façon, pour la droite, un appel de sans le moindre problème. Non, là c'est moi tout bonnement, mais je pense que de toute façon, du côté de l'Obs, c'est à peu près la même chose. Mais l'Obs qui a choisi donc, de faire c'est une pour une... éviter le pire, voilà, c'est reconstruire pour éviter le pire. Et c'est vrai que l'Obs, en tout cas, va mettre au point tout un système, que ce soit dans les pages, ou sur le site, ou en tout cas des initiatives, des propositions, alimenter en tout cas des choses concrètes. Quelque chose de constructif. Voilà, d'ailleurs, vous avez fait une une, la une c'est tout changer, c'est-à-dire la une c'est pas Marine Le Pen, c'est pas le FN, c'est plutôt changer avant qu'il ne soit trop tard. Daniel Cohn-Bendit d'ailleurs à l'intérieur dit que la France doit apprendre, je le cite, la culture du compromis. Alors là, quel changement. Bâtir des... Enfin, pas pour lui, mais pour la France. Bâtir des coalitions même lorsque certaines situations l'exigent. Ça, c'est carrément un changement de mentalité. Mais c'est possible, François Armanet, ça, d'instiller ce changement de mentalité pour arriver à ce qu'on discute ensemble plutôt qu'une guerre des tranchées qui arrive à être stérile, finalement. C'est vrai que du côté des hommes politiques, quand on regardait, en tout cas, les résultats, que ce soit sur la une ou la deux à la télévision, en suivant les résultats dimanche soir... le niveau de déni était tout à fait affligeant. Bon, donc une des solutions, c'est que c'est aux citoyens de retrousser leurs manches et du côté des médias, c'est de se mettre à leur service. Bon, d'où l'initiative de l'Obs. Bon, après, on n'imagine pas que c'est un journal parmi tant d'autres qui va régler le problème. Non, non, tout le système médiatique doit aussi se remettre en question. Tout changer, c'est aussi... Absolument, oui. Mais concrètement, ça veut dire quoi alors, que les citoyens se retroussent les manches ? Il y a des tas de propositions locales. Du reste, quand on regarde le bilan du FN dans ses propres villes, ce qui est un peu affligeant, c'est que plus ils sont implantés, plus ça monte. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est une espèce de normalisation masquée. Mmh. Bon, ça, on peut tout à fait dénoncer ça, parce qu'en sous-main, ils désinguent telle ou telle association, tel ou tel bout de la culture. Bon, voilà. Et s'en tenir aux faits et à l'enquête, peut-être. Pour un journal, c'est s'en tenir à des propositions, c'est s'en tenir à des enquêtes et à des faits concrets qui donnent des solutions. Voilà, je vous renvoie donc à l'Obs de cette semaine, hashtag tout changer, parce que le FN est aux portes du pouvoir, tout changer, avant qu'il ne soit trop tard. Mélanie Bauer, l'ouvrage de François Armanet vous a inspiré. Absolument. Oh mon Dieu. Non, faut dire aux gens d'arrêter de regarder la télé, non déjà. C'est pas le truc de base. Alors, quitte à enfoncer des portes ouvertes, je me suis inspirée de votre livre, puis j'ai réfléchi au concept de discothèque idéale du naufragé. Alors, vous me direz, comme pour les livres, il suffit de les écrire et qu'avec deux cordes et une noix de coco, on peut sûrement créer une symphonie et puis ne rien emmener. Mais sur une île déserte, pour écouter de la musique, il faut un gramophone ou il faut quelque chose. Imaginons donc qu'il y a un vieux gramophone mécanique qui traîne sur place, abandonné par un vendredi de passage. et nous avons dans un sac quelques vinyles. Et ça tombe bien, ce sont nos préférés. C'est un concept assez répandu, les disques indispensables. Sur la BBC, l'émission Desert Island Disc existe depuis les années 40. Dernièrement, Keith Richards, le guitariste et cofondateur des Rolling Stones, s'est prêté au jeu. Sympa, surtout connaissant ses déboires avec les noix de coco. C'est l'histoire. Pas avec les noix, avec la coco. On y retrouve du blues, sans surprise, Chuck Berry ou Hank Williams. Plus étrangement, on y retrouve Nigel Kennedy and the English Chamber Orchestra, Spring from Vivaldi's Four Seasons. Les quatre saisons, quand on vit dans un coin où il n'y a pas de saison à part celle de la pluie, c'est malin. Nous allons prendre votre appel. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il vient, Nigel Kennedy? Parce qu'on entendait beaucoup parler. Oui, 1989. Ça. C'est comme Mélenchon, il a disparu. Oui. Une fois les quatre saisons usées, on doit sûrement se dire, tiens, pourquoi j'écouterais pas du jazz pour la RTBF qui explore le même concept? Quelques pistes plus ou moins swing sont à écouter en boucle. Alors Django Reinhardt, Miles Davis avec Kind of Blue, le big band de Count Basie, Billie Holiday, John Coltrane. Bon, la base. Et surtout, un disque qui rend le soleil un peu plus supportable. Antonio Carlos Jobim, on écoutera The Girl from Ipanema en pensant à la statue en bronze de 200 kilos du héros de la Bossa Nova inaugurée il y a tout juste un an sur la plage d'Ipanema à Rio pour le 20e anniversaire de sa mort. Et peut-être on écoutera en anglais la version de Frank Sinatra dont on célèbre en ce moment et notamment sur France Musique les 100 ans de la naissance. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Sympa ça sur la plage. Et pour rester Brésil et aquatique, pourquoi ne pas aller plus loin avec La Vie Aquatique, ce film parodiant le commandant Cousteau et cette bande-son inoubliable de Seu Jorge. Et reprenons David Bowie. Là, c'est formidable, on fait une pierre deux coups. On a Bowie et Seu Jorge, et puis La Vie sur Mars, parce que c'est un petit peu ça, l'île déserte. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Bon, en revanche, on n'emmène pas de punk. John Lydon, des Sex Pistols, dans votre interview à l'Obs, disait fort justement que le look punk, c'est bon pour les climats plus froids. Quand on est en tongs et en short, c'est dur d'avoir l'air révolté. Oui, parce que traditionnellement, on échoue plutôt sous les palmiers. On n'échoue pas par malchance sur un caillou en Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Spontanément, d'abord, moi, je pense à votre ego. Je pense à votre libido. Et je me dis, va falloir défouler un peu. Et le premier morceau qui me vient à l'esprit pour vous faire du bien en ramassant des coquillages avec vos haillons sur la plage, c'est un hommage à Alex Vizorek. C'est Shaggy, Mr. Bombastic. Mr. Bombastic. We are the Vas-y, mets plus fort. Mr. Lova Lova. Imaginez-moi autour de la piscine en maillot. Ouais, bah, non, ça me donne envie de me noyer. Bah, je vous laisserai. Il est vraiment génial, c'est ce morceau. Bon, mais bref, pas Vizorek, quoi. Enfin, après ça, il nous faut une femme. Hein, une qui pétille, pas une femme enfant ou une maman. Une qui nous secoue un peu, qui a de la personnalité, comme la princesse ragamuffin de Glasgow, dont le nouvel album s'appelle Fort à propos Free as a Bird. On déprimera un petit peu moins en écoutant Hard Times. Ça remonte les bretelles. C'est Soumti. It's hard time. Now you know that you're better than not dying. I'm bullied up with a politician out of them. And I'm better going in. I'm a sick another gun. But after underlin, I can't forget them. I don't know if you're a sick of it, I've been no bum boom bang. Got an underlight and a boat bearing. And I don't want ching, no bling, but I think that I don't make a record when I seek and I can. Rocking on by, working in a line, jumping up by with a lamp on, running up a lot with a big champion from my world inside. When I wanna put it, I got this. Cause it's hard time. Oh, I live there. living in a hot tub. Oh, I'm living in a hot love. In a hot time. In a hot time. I dig it, dig it, dig it out when I rain, I die. Putting up my shirt, I'm in love with a purse. I don't deserve a ribbon that I lay in my heart. So give it a bit of word, you all align my parts. Pull up with a bang, nigga, telephone ring, ying, ying, yang. But it's in a bucket with a blunt. Tuck down, yin, and I'm at you with a big bang. Is it a fire by my sign? Ow! Hot time. Hot time, never get rid of hot crumb. Yes, hot time. Make a note that you'll be living a lie. You're my boy, that's a pretty politician. I'll let them be digging up within them. I'm sick of the year. Put it on the limb, make a bigger than them. Hide down the real sin. Oh, I'm living in a hot life. In a hard time, oh, I'm living in a hard life. I'm living in a hard time. Open up in the quarter, die in my back. With a renegade master coming like ya, like a bad girl with a good bit of charge. With a better color, better bad ya. Rod, rod, another bad child with a gas ya. Into I forget another run and pass ya. Never gonna mind with a renegade rasta. With your boss ya, but it's a little commander for the hard time. Hard time, if we get rid of hard crime, yes, hard time. Like you know that you're a bit of an ally. And I'm bored of the bit of politician. I'll let my mother get up within. I'm a sick another gem, but I'll die. I'll let the kick of a gun. Hard time, if we get rid of hard crime, yes, hard. Hard Time, Soumti, le conseil de Mélanie Bauer si vous vous retrouvez seul sur une île déserte. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes sur France Inter. Il y a aussi François Armanet avec nous. François Armanet, quel disque ou quels sont les trois disques à emmener pour vous? Bon, voilà. Alors, prenons deux fois trois pour aller vite. Alors, trois classiques, les Beatles, les Stones et Dylan. Ouais. Trois madeleines plus personnelles, Tim Buckley, Van Morrison, Joni Mitchell. Ouais. Ah ben voilà. Ouais, ouais. Emballé, c'est pesé. Ouais. Vive la chanson française. Même pas un Michel Thor. Alors, trois Français, Bachung, Christophe, Daniel Dark. Ah, voilà. Trois Islandais. Alors, Björk et Björk. Mais vous ne vous ennuyez jamais, vous jouez avec vos amis. Alors, trois casseroles. Oui, François, parce que c'est la bibliothèque idéale du naufragé, dont on parlera avec Clara Dupont-Mono. Mais pour l'instant, François Armanet, c'est le moment Meurice. Ah. Et alors là, je vous garantis que si vous l'emmenez sur une île déserte, ça va faire quelque chose. Je suis affûté. Écoutez, c'est toujours la guerre en Syrie, hein, et rien de tel qu'un bon petit conflit armé pour nous remonter le moral. C'est pas François Hollande qui nous dira le contraire, hein, lui il est carrément passé du rôle de Barbapapa à celui de G.I. Joe. Mais encore faut-il se foutre sur la tronche correctement. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle la stratégie militaire. Et ce matin avait lieu un grand colloque sur l'étude des stratégies de comment qu'on fait pour dézinguer son prochain le plus efficacement possible. Et ce colloque avait lieu quai d'Anjou, et ça c'est rigolo quand même. Quai d'Anjou, feu! Faut rigoler, c'est important. Moi, je vais vous dire, j'en ai besoin. Parce que ce matin, ça rigolait pas des masses. Il y avait des débats. Ça y est, Clara vient de la comprendre. Ça, c'est bien, on progresse un peu. Non, elle a compris Jean-Marc Four. Ah oui, d'accord, pardon. Oui. Alors, on va avancer, Clara, on va faire sans vous. Alors, il y avait des débats ce matin entre des gradés, des universitaires, des historiens. Tiens, d'ailleurs, commençons avec l'officier référent pour la mise en œuvre de l'histoire militaire dans l'armée de terre. Hein, rien que l'intitulé du poste, on se dit, ça va pas être la grosse poilade, hein, le gars. C'est sérieux. L'histoire militaire, pour moi, elle est consubstantielle de l'état de soldat. Oula, alors expliquez-moi ça. Moi, je suis pas aussi intelligent qu'un militaire. Pourquoi est-ce qu'un soldat va aller mourir en opération? Parce qu'il est payé pour ça, moi, je dirais. C'est un peu court comme explication. Donc, il y a tout ce qui va derrière, il y a tous les fondements intellectuels, moraux, etc. Eh oui, c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier l'aspect intellectuel et moral du soldat. Mais bon, prenez les soldats français en Centrafrique, par exemple, ils donnent des cours d'éducation sexuelle aux enfants, par exemple. Il y a quand même un aspect moral, intelligent et pédagogique, quelque part, je dirais. Vous voyez, c'est important de voir toujours les bons côtés de la guerre, du conflit. Voilà. Tiens, décryptage avec un sociologue spécialiste du sujet. Comment est-il le conflit ? Il est nécessaire à toute dynamique sociale, que ce soit un conflit de couple, par exemple, conflit conjugal jusqu'au conflit guerrier, comporte des aspects qui sont des aspects créateurs. Quelle création on peut espérer après un conflit ? Il y a une manifestation d'abord de voix dissidentes, et puis aussi le fait que le conflit, ça permet de socialiser. C'est une forme de socialisation très importante dans la vie quotidienne. Bah évidemment, ah ben voilà. Évidemment. En Syrie, les mecs sont complètement socialisés, hein, c'est fou. Le gouvernement israélien également fait beaucoup pour la socialisation des Palestiniens. Il faut voir le bon côté des choses, hein. Je vous dis, c'est important, le bon côté des conflits. Les conflits ont besoin de s'exprimer et des fois... Des fois, ça s'exprime par des armes pour pacifier. Parfois, ça s'exprime... Oula, alors attendez, expliquez-moi ça. Ah bah oui, par des armes pour pacifier. Oui, on peut faire des opérations de pacification en étant armé. Donc le but, c'est pas de tirer, mais c'est de pacifier un territoire et que les personnes puissent éventuellement s'entendre pour refondre une commune citoyenneté. Oui, alors évidemment, c'est seulement les personnes qui restent vivantes, hein, qui peuvent refondre une commune citoyenneté. Hein, et moins ils sont, plus c'est simple, hein, d'ailleurs, pour refondre. D'où l'intérêt de bien pacifier la zone avant, hein, au fusil, au automitrailleur ou au lance-flammes, c'est plus pratique. Mais on n'est même pas obligé d'envoyer des soldats. On peut désormais envoyer des robots. J'ai discuté avec un spécialiste de ça. J'ai un petit fait pour les robots, ça me fascine totalement. C'est des robots. Cette puissance des robots tueurs. Qu'est-ce qui vous passionne dans les robots tueurs ? Bon, enfin, je crois qu'on a à peu près le même âge. Vous avez certainement grandi avec Robocop, Terminator, etc. Donc, lorsque la fiction vous dit que maintenant, ça peut devenir une réalité... Ça vous intéresse, quoi. Voilà, alors je vous rappelle que ce sont des personnes qui réfléchissent, hein, aux différentes stratégies de guerre actuelles. Hein. Voilà, hein, je dis ça évidemment pour vous rassurer. Alors bon, moi quand j'étais gosse, je regardais Bibi Fock. Alors ça va pas être facile. Alors malgré tout, je suis hétérosexuel, hein, Clara, je vous vois venir. C'est pas la question. Mais c'est sans doute pour ça que je préfère pas mal d'animaux à pas mal de robots tueurs, voire à ceux qui les programment. Mais bon, j'étais là pour apprendre. Alors j'ai demandé à ce spécialiste quel type de cibles peuvent détruire les robots tueurs. De type tank. Ou de type radar. Mais est-ce qu'on peut imaginer peut-être la guerre du futur entre robots tueurs ? Ah, on peut tout imaginer. Ça serait pas mal, ça. Mais du coup, ça coûterait de l'argent. Est-ce qu'il faudrait pas imaginer la guerre du futur peut-être au Shifumi, au pierre papier ciseaux ? Si, ce serait même souvent plus rationnel. Voilà, mais c'est une proposition à faire, quoi. Je pense que Laurent Fabius vous tendra son oreille avec intérêt. Eh ben voilà, vous voyez, j'apprends vite quand même, hein. Je propose même des solutions. Mais j'avais encore une dernière question niveau stratégie, et je l'ai posée à un ancien responsable du renseignement militaire. Est-ce que Bachar el-Assad, c'est un ami en termes de stratégie ou un ennemi ? Parce que c'est un petit peu compliqué. Je peux pas répondre à ce genre de question. Ah. Parce que là, on est en dehors du champ des études, disons, conceptuelles. Mais pourtant, c'est de la stratégie ? C'est de la stratégie appliquée. Mais là, on est dans la stratégie conceptuelle. D'accord. Bon, bah écoutez, en attendant qu'ils cessent d'appliquer leur stratégie conceptuelle à l'ensemble de la planète, continuons à nous fendre la gueule avec ironie. Au moins, pendant ce temps-là, on ne fend pas la gueule des autres avec stratégie. Merci, Guillaume Meurice. Tiens, je propose pour François Amané un prochain tome. Quels sont les trois livres à emmener en Syrie, par exemple ? Prenez le temps de réfléchir. Oui, un livre de BHL, c'est une bonne idée. Un manuel de survie, déjà, de toute façon. Ouais, c'est clair. Le sujet 2 avec vous, François Armanet. La vie d'Adèle, c'est plus qu'un film, c'est aussi un feuilleton qui a démarré avant la sortie du film. La Palme d'Or à Cannes vient de voir son visa d'exploitation annulé en raison de scènes de sexe réalistes de nature à heurter la sensibilité du jeune public. Donc, probablement pas de diffusion télé, sauf si le ministère de la Culture intervient, de sortie DVD, le lobby ultra-cato a encore frappé. Papa, comment on fait... Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander. Et demain, Lactane vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactane Cacao. Voilà. Et comment notre émission vient de perdre son visa d'exploitation. On l'avait pas obtenu. Voilà, c'est vrai. Donc, La vie d'Adèle, le feuilleton continue. Enfin, ça fait quand même un bail. C'est Promouvoir qui est... Alors, vous connaissez Clara Dupont-Mono, vous avez rencontré quelqu'un de cette association? Je l'avais interviewé, moi, cet été. L'association Promouvoir, c'est quand même assez proche des milieux catholiques radicaux, on va dire. Et de l'extrême droite aussi. Et en fait, qui passent leur temps à venir court-circuiter la vie culturelle française avec des moyens légaux. Efficacement, puisque il y a eu la classification X du film Baise-moi de Virginie Despentes. Il y a eu Love de Gaspard Noé. Voilà. Et c'était eux à l'origine de tout le pataquès autour de l'homme. En général, l'association Promouvoir, finalement, fait de la pub. Elle promeut. Au sens strict du terme. Et puis celui qui est à la tête, je crois, s'appelle André Bonnet. Il a été fondé. Il est à Carpentras, dont la députée à Carpentras, rappelez-moi... La fameuse. S'appelle Marion. Ah, voilà. Bon, de là à voir... C'est la même mouvance. Et il se trouve que quand je l'avais interviewé cet été sur France Inter, je lui avais demandé un peu ironiquement s'il comptait attaquer YouPorn. Donc, sur internet. Et Qu'est-ce que c'est, YouPorn? Et il m'avait répondu, écoutez, ce film-là, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est vrai. Mais oui, vous savez, c'est un homme moderne. Oui, non, en me documentant un petit peu, André Bonnet, il avait déclaré au magazine Première qu'il avait vu des scènes inquiétantes dans Pirates des Caraïbes aussi. Donc... Oh là là, on est quand même assez loin de. On est assez loin de Baise-moi, d'Adèle et de tout panier. Oui, voilà. Ça veut aussi dire qu'il y a des oreilles... C'est assez pornographique, il doit y avoir des scènes quand même choquantes. Mais très certainement, oui, on doit avoir un bout d'oreille ou quelque chose, je sais pas. Ça veut dire aussi qu'il y a des oreilles assez réceptives au sein de, quand même, du tribunal administratif, puisqu'à chaque fois, c'est quand même mis en avant. La Cour administrative d'appel de Paris qui a retiré le visa, et c'est vrai que le combat de Promouvoir, c'est le combat contre la violence et le sexe dans la culture. Donc on n'a pas l'effet sortie des ronces, nous, avec cette histoire, quand même. Belle expression. Alors, les trois films sans visa que vous emmèneriez sur une île déserte. Bah justement, réfléchissez, François Armanet, mais on va aborder votre ouvrage avec Clara Dupont-Monod. Et oui, François Armanet, parce que l'actualité, notre actualité, c'est votre livre, Bibliothèque idéale du naufragé. Je rappelle donc que vous êtes journaliste et que pendant des années, vous avez terminé vos 200 interviews d'écrivains par cette question. Quels sont les trois livres que vous emporteriez sur une île déserte? Alors, ce qui est amusant quand on lit votre livre, c'est que selon les réponses, on peut évidemment classer les écrivains. Alors par exemple, il y a les pragmatiques. Il y a ceux qui disent « j'emporterai Robinson Crusoe » puisque c'est un mode d'emploi finalement. « J'emporterai 3 tomes d'un dictionnaire encyclopédique » ou alors Marcel Proust, l'idée étant de tenir le plus longtemps possible. Et il y a par exemple Umberto Eco qui vous dit « j'emporterai le bottin. Avec tous ces noms, je pourrais écrire des histoires infinies. Bon, » esprit pratique. Bon. Il y a les frimeurs. Il y a Édouard Limonov qui vous dit oh, « je suis illettré ». Un peu comme les top modèles, vous savez, qui viennent geindre « j'ai grossi, je suis hideuse ». C'est un peu pareil. Et il ajoute en plus « je ne prendrai pas de livre, mais un cahier pour écrire ». Sous-entendu, les chefs-d'œuvre, je vais les fabriquer. Voilà. Il y a aussi les blasés, comme Michel Houellebecq, qui vous lâche « je ne réponds jamais aux enquêtes ». Donc merci d'être venu, François Armanet. Citons encore les radicaux, un peu comme Eduardo Mendoza, qui vous dit « 3 livres, oh, je préférais me noyer ». C'est un chouïa alarmiste, mais c'est une belle réponse. Mini parenthèse, personnellement, si vous m'aviez demandé mes 3 livres préférés, ce que vous n'avez pas fait, je vous aurais répondu « Bonjour la France » de Charline Van Hoenecker, oui. Car oh. Je suis corporate, oui. « Râteau en Thalys » d'Alex Vizorek, un carton, et « Moi, gauchiste repenti voilà. » de Guillaume Meurice, ouais, voilà, oui. Publié à compte d'auteur, puisque personne ne l'a pris, mais je vous le recommande chaudement. Taquinerie mise à part, cet exercice révèle 2 choses. La première, c'est combien les écrivains vivent la littérature comme un organisme auto-cannibale qui se nourrit de ses propres écrits, en fait qui se nourrit de lui-même. C'est-à-dire que chaque écrivain interviewé est pleinement conscient d'être le produit d'autres livres qu'il a lui-même dévorés et que eux-mêmes seront digérés par d'autres écrivains à venir. Donc on est en place là, avec un système quasiment autarcique et auto-cannibale. Je précise que la littérature est l'organisme le plus écologique du monde, puisqu'on le voit, elle ne vit que par le recyclage. Je ne parle même pas du tri que fera la postérité, le tri sélectif qu'elle fera très bien. Mais la littérature, comme elle s'auto-recycle en permanence, c'est un rêve de COP21, c'est un idéal d'anti-gaspi. Voilà pourquoi d'ailleurs parler de plagiat en littérature n'a aucun sens. Et voilà aussi pourquoi... PPDA est d'accord avec vous. Voilà pourquoi beaucoup d'auteurs citent la Bible, la Divine Comédie, Shakespeare, Les Mille et Une Nuits, parce qu'en fait, ce sont des livres, ce que j'appelle des livres frigidaires, des livres réfrigérateurs, s'il ne faut pas citer de marque, mais on les ouvre et il y a toujours à manger, il y a toujours de quoi se nourrir et ce, pour longtemps. La seconde chose que votre livre révèle, François Armanet, c'est combien les écrivains aiment le classement. Ce sont des as du rangement. Mais vraiment, ils sont comme ça. Le coup de 3 livres à emporter sur une île déserte, vous le rappelez dans votre préface, c'est une idée d'André Gide en 1913. Et lui-même, chaque trimestre, vous le racontez, dressait une liste de 20 livres à emporter sur une île déserte. Juste for fun, quoi, juste pour le plaisir. Raymond Queneau a augmenté la dose, puisqu'en 1956, il demande à ses potes d'écrire la liste de 100 livres essentiels. Cette fois, c'est pas 10, c'est 100. Et puis, quand on y réfléchit, Georges Perec, il a fait des livres avec les classements de ses souvenirs. Ça n'est que ça, l'œuvre de Georges Perec. Borges, écrivain argentin, magnifique, il a fait de son métier le classement, puisqu'il était bibliothécaire, directeur de la bibliothèque de Buenos Aires. Donc, c'est la joie des listes, un peu comme si il fallait compenser le chaos bouillonnant de la tête d'un écrivain par la rationalité de la liste. Je redonne les références. La bibliothèque idéale du naufragé de François Armanet est parue chez Flammarion. Vous retrouvez cette chronique dans Le Parisien Magazine à paraître demain, avec bien sûr... Avec quoi en couverture ? Jean Dujardin. Mais il y a un article passionnant. C'est original. Comme la seconde vie des héros de papier. Et oui, au cinéma, tels que Belle et Sébastien ou SS-117, des héros qu'on avait un peu oubliés côté papier et qui ressuscitent sur grand écran. Il n'est pas si passionnant cet article. Je l'ai lu, il est tout est dans le titre. C'est la battle Le Parisien Magazine contre l'Obs aujourd'hui. Allez, troisième sujet avec vous, François Armanet. Les prix littéraires, justement, qui agacent suffisamment pour que fleurissent les anti-prix littéraires. Qui en sont quand même, hein, finalement. Comme le prix de la page 111, le livre dont la page 111 est la plus méritante. Voilà. Et bon, ça pourrait exister c'est au cinéma. C'est mes copains. Ah oui, c'est vrai? Ah, vous allez nous en parler. Allez, au cinéma aussi, ça existe. Être acteur de second plan, c'est être au premier plan si la personne devant se pousse un peu. Et donc, le César est attribué à... Christophe Legendre, pour le goût des autres. Bravo Christophe. Ça doit être ridicule de me voir pleurer comme ça. Alors, évidemment, j'ai juste envie de remercier le casting Figuration, le directeur Laurent Soulet qui a eu l'audace de me confier ce rôle, alors que, comme vous avez pu le voir dans cet extrait, bah, physiquement, bon, je ne correspondais pas du tout. Merci. Voilà un extrait des Robin des Bois. C'est un peu ça, hein, voilà, c'est l'acteur de second plan. Bon, ou alors, c'est pris, donc le prix de la page 111, le livre dont la page 111 est la plus méritante. Alors, est-ce que vous pensez qu'il existe des écrivains qui soient à ce point anti-système, qui préfèrent recevoir le prix de la page 111 plutôt que le Goncourt? Il y a vraiment deux écoles, il y a vraiment ceux qui sont Bah, voir, effectivement, ouais. En effet, là, dans l'Obs, cette semaine, on a mené cette enquête. On est champion du monde. En France, oui. Des prix littéraires. Il y en a 1500, de 2000. Ouais, c'est on y participe tous, je reste autour de cette table, certainement. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a 5 prix littéraires décernés par jour? Vous comptez l'équivalent. Pas mal. Ouais. Vous comptez pas mal. Oui, c'est dans l'optimisme. Oui, c'est pas lire, mais c'est compté. On n'en a pas eu un seul. Bon, il y a celui de la page 111, mais il y a celui, bon, on a regardé un peu les prix les plus fous. Il y a le plus animalier, c'est le prix 30 millions d'amis. On gagne, comme pour le Goncourt, un déjeuner chez Drouan. Donc, pas avec mal. Des croquettes, j'imagine. Pas mal. Il y a le prix le plus alcoolisé. Donc, c'est le prix de la Paulée de Meursault. On gagne 100 bouteilles de Meursault, quand même. Ça, c'est la grande bedrouille, ça. C'est pour être anti-marketing. C'est pour faire un pied de nez. Il y a ceux qui ont créé aussi le prix de la page 112. Oui, le prix de la page 112. Il y a les concurrents de la page 111. Et puis, j'ai bien lu aussi. Il y en a qui ont créé le prix du métro Goncourt. Oui. Ce qui est quand même. D'ailleurs, ça, c'est assez malin avec un bon site. Et le Goncourt qui n'a pas de page Facebook. Voilà. Et tiens, je terminerai en parlant aussi du prix Domitis. Les résidences pour personnes âgées, dont le président du jury cette année est Patrick Poivre d'Arvor. Ah. Et ça, on salut. Et oui, on le salue. Si, voilà. Le prix du plagiat, ça existe ou pas? Oh là là! maintenant. Oh, sur... là, on est mauvais esprit. On l'a déjà décerné, celui-là. Sûrement, il y en a plein. Alex Vizorek, vous avez une proposition indécente à faire à notre invité. Nous avons à chaque fin d'émission un sketch à proposer à l'invité. Et oui, et je suis imposé. Ça va être rude. Cachez votre joie, car vous avez un rôle facile, qui est le rôle de François Armanet, qui reçoit pas mal de coups de fil de gens qui aimeraient participer à vos belles pages débat dans l'Obs. On va voir qui appelle. En avant, c'est parti. Donc, je lis. Ah oui. Allô, bonjour. Oui, ah, ça décroche pas ce téléphone, visiblement. Bonjour, bonjour. Oui, monsieur Zemmour, mais quel bon vent vous amène? Ben, pas le vent du sud, hein, rassurez-vous. En fait, je voudrais écrire dans les débats de l'Obs. Non, non, ben, ça très bien, mais monsieur Zemmour... Monsieur Zemmour, monsieur Zemmour, oui, comme dirait l'autre, savez-vous qu'un débat implique que vous écoutiez d'abord les arguments de vos interlocuteurs? Ah oui? Oui, oui. Ah, bon, bah laissez tomber là, je vais appeler à Valeurs Actuelles. Bon, à bientôt, voilà. Ouais. Interlocuteur, il est con celui-là, il comprend rien au débat. Bonjour, Vincent Bolloré, je vous contacte pour le poste de chroniqueur de gauche. Non, vraiment, vous le voulez, celui-là? Non, je voudrais le virer. Non, mais alors, dites-vous bien que nous, on a le trio BNP qui nous possède et que vous n'avez aucun pouvoir sur l'Obs. Et le B, c'est Pierre Berger, c'est pas Bolloré. Pardon, pardon, je me suis trompé de numéro. Ouais, salut, c'est Booba, je peux écrire dans vos pages. Ouais, non, non, Booba, non, non, alors là, c'est pas les pages clash, hein, ça, c'est, non, pas tout de suite. C'est quoi, c'est quoi, alors, c'est pas clash, c'est quoi un débat, alors, c'est quoi? C'est des clashs entre intellectuels. Non, mais je comprends pas ce que tu dis, là. Ouais, c'est tout le problème. Bonjour, c'est Michel Platini. Oui, excellent. Dites, c'est payé combien? Bah, brut, net, en francs suisses, en... Vous inquiétez pas, quelle le monnaie? Net, le brut, le franc suisse, c'est pareil pour moi. Monnaie de singe. Allô, allô, mais allô, quoi? Oui, non, bah, celle-là, je l'adore. Même à l'Obs, on a compris. Hein. Même à l'Obs, on sait que c'est Nabila. Ah, bon. Oui, alors, j'ai envie de faire un débat dans le nouvel Obs. Un débat à couteau tiré. Oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir, Nabila. Ah, pas moi. De problème, on attend la tribune. Ah, bon, bah, Cyril Hanouna m'a dit la même chose. Allô, c'est Jacques Chirac. Vous appelez aussi à voter encore pour vous. Pas de problème, on vote pour vous au second tour, Jacques. Vous êtes qui? Merci François Armanet. Vous mettez des pièges parce que vous changez toute la réplique. Vous ne regardez pas son c'est le premier invité qui change la réplique. Vous m'avez demandé de lire. Et qui piège les... Oui, voilà. Il ne suit pas les injonctions. François Armanet, bibliothèque idéale du naufragé. C'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec Aurel San. Et voici le mot de la fin qu'on dédie au changement. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Les bagnoles, foutu. Faut que tu en prennes conscience, faut que tu te réveilles.